chaque jour de la semaine, vers 9h du matin, ma voisine Madeleine prend son carton de trottin. Derrière la blondinette, à la fois simple et coquette, j'emboîte gentiment le pas et je fredonne tout bas. Madelon fait résonner son talon, mon œil s'allume. Madelon fait résonner son talon sur le bitume. Madelon fait résonner son talon, mon œil s'allume. Madelon sur le bitume fait résonner son talon. Quand Madeleine se tourne, après un petit bonjour, j'entrevois son jupon mauve, qui chante un frou-frou d'amour. Puis c'est un bout de dentelle, car sachez bien que ma belle, tout en marchant fait voir très haut, un fin mollet sans Madelon fait résonner son talon, mon œil s'allume. Madelon fait résonner son talon sur le bitume. Madelon fait résonner son talon, mon œil s'allume. Madelon sur le bitume fait résonner son talon. Enfin j'ai fait sa conquête, elle m'a promis ce soir de monter dans ma chambrette. J'ai le cœur rempli d'espoir. Dans une chambrette on pose, et l'on fait même autre chose, quand l'air est rempli de printemps et que la belle son talon, mon œil s'allume. Madelon fait résonner son talon sur le bitume. Madelon fait résonner son talon, mon œil s'allume. Madelon sur le bitume fait résonner son talon.